je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonsoir et bienvenue pour celui de Logis. Je vous dis bonsoir parce qu'on enregistre le soir aujourd'hui, mais vous nous écoutez bien évidemment à l'heure qui vous arrange. On se retrouve aujourd'hui pour ce 63e numéro de Logis, si je ne dis pas de bêtises. On retrouve un invité que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer. Alors avant, je vous précise quand même qu'aujourd'hui, je suis en compagnie de Fanny et on va parler d'un sujet technologique pour le moins, puisque nous allons parler d'intelligence artificielle, avec une intelligence en revanche, elle, tout à fait non artificielle, puisqu'il s'agit de Fibre Tigre qui nous avait déjà parlé d'Escape Game il y a quelques années, et entre temps il a changé de marotte, me semble-t-il. Fibre Tigre, pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est le créateur de Outzer, de Outzer Chronicle, de Antioch. C'est un concepteur d'Escape Game, vous l'aurez deviné, et puis il est aussi chroniqueur dans les podcasts Studio 404 et animateur du podcast Trajectoire qui parle de mathématiques. Si on l'a invité, ça n'est pas par hasard, puisqu'il s'intéresse beaucoup au sujet des intelligences artificielles, et il me semble, Fibre Tigre, que d'ailleurs dans le cadre de Trajectoire, vous avez créé une IA. Alors, la première question, la plus simple, avant de te dire bonsoir, c'est une IA, c'est quoi ? Bonsoir. Alors, ça dépend, parce que ça dépend à quelle époque tu poses cette question. C'est-à-dire que si tu avais posé la question, on va dire en 1999, on t'aurait dit, c'est un ensemble d'algorithmes qui prennent des décisions, avec tout simplement, enfin, des algorithmes conditionnels, c'est-à-dire que, en gros, si il y a trop de voitures au carrefour, alors on va allonger la durée des feux. Donc c'est des choses comme ça. Et depuis l'avènement de la big data, c'est-à-dire que le fait qu'il est devenu beaucoup de data publique, qu'on puisse les manipuler, il y a eu une technologie qui est assez simple hein, mathématiquement, qui est le machine learning et le deep learning. Enfin, elle est assez simple. Elle est pas, en tout cas, elle est pas aussi complexe que des algorithmes conditionnels mis en masse, et elle donne des résultats fantastiques. Voilà, c'est le fameux Google DeepMind, tout ça, qu'on utilise, qu'on tente d'utiliser dans le cadre de jeux vidéo, avec plus ou moins de bonheur. Mais après, ça peut recouvrir plein de choses, puisque dans l'udologie, vous recouvrez aussi le board game, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Par exemple, un jeu comme Race for the Galaxy, qui permet à un joueur de jouer tout seul. Là, en ce moment, c'est un jeu à plusieurs. En gros, on lance des dés et les dés décident de comment joue l'adversaire virtuel. Donc, ça peut être tout simplement le hasard, parfois. Voilà. Mais alors, toi, tu disais que tu avais travaillé sur une IA avec du deep learning et du machine learning. Concrètement, la recette, si on peut la faire de façon relativement synthétique, c'est quoi pour fabriquer une intelligence artificielle aujourd'hui, évidemment ? Alors, dans le cadre d'un jeu, il faut que tu choisis ta typologie d'IA en fonction de ce que tu veux faire dans le jeu. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux un jeu, un jeu imprévisible comme PUBG, tu vas peut-être faire des IA, enfin, tu vas peut-être faire des programmes conditionnels, c'est-à-dire un bot dans un jeu à la PUBG, ça va être j'essaie de me déplacer vers un personnage qui est à portée de visuel, puis j'essaie de viser, j'ai tant de réussite de vitesse de rapprochement de la visée vers le personnage. Donc tu vois, là on est dans l'algorithme conditionnel. Après le problème de, enfin, tout dépend ce que tu veux faire là. Comment dire, moi personnellement, par exemple là je suis en train de faire un jeu qui s'appelle Sigma Theory, qui est une sorte de jeu comme Civilization, et on veut qu'il y ait des adversaires. Donc dans Sigma Theory, tu joues un pays, une des 10 puissances mondiales, que ce soit des USA au Japon, donc USA, Chine, tout ça, et tu joues contre les autres pays. Et on voulait que les pays aient des personnalités. Et c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'au début de la partie, on affecte une personnalité à un pays. Par exemple, il y a un pays qui sera pacifiste. Quoi qu'il arrive, même si tu lui fais les pires crasses, il ne déclarera jamais la guerre. T'en as un autre, au contraire, il est démoniaque, c'est-à-dire que non seulement il va te faire la guerre, mais il va tenter des assassinats, tout ça. T'en as un autre qui est plutôt comploteur, il aime plutôt hacker les choses, il aime plutôt kidnapper, il aime plutôt utiliser des biais détournés. Et t'en as même un qui est idiot. C'est-à-dire que t'en as un, il prend les pires décisions possibles, ou dans le doute, il le fait au hasard. Et en fait, ça trouble le joueur parce que le joueur se dit, mais pourquoi il fait ça? Tu vois? Est-ce qu'il y a... Et en fait, parfois, c'est juste de la bêtise. Donc, en gros, l'idée derrière ça, c'est pas d'avoir de la résistance en termes de jeu. C'est-à-dire de pas. L'idée, c'est pas que le joueur, il dise, oh putain, c'est vraiment dur de gagner. C'est de se dire, il se raconte une histoire. C'est-à-dire, il se dit, ah, la Russie, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, tu vois? Ou, oh là là, les États-Unis, mais qu'est-ce qu'ils sont forts, tu vois? Et ça change à chaque partie. Et donc, tu vois, l'intelligence artificielle, elle est là pour servir un propos. Et parfois, tu peux décider de ne pas faire d'intelligence artificielle parce que, on va dire, enfin, le propos, il est pas là pour ça. J'ai pas tout à fait répondu à ta question, mais si tu veux, enfin, si tu veux qu'on parle vraiment de ce que c'est une intelligence artificielle aujourd'hui moderne, techniquement, en fait, c'est une matrice. Une matrice avec beaucoup de dimensions. Donc, une matrice, c'est ce qu'on vous avait appris en maths, c'est-à-dire un tableau avec une valeur entre 0 et 1, donc une valeur flottante qui va enfin, avec plein de petites cases. Et les cases sont en plusieurs dimensions, c'est-à-dire que non seulement il y a vers le bas, vers le haut, comme dans un tableur Excel, mais il y a vers le derrière, donc une troisième dimension. Et imaginez qu'il n'y en ait pas 3, mais qu'il y en ait 60 000. Voilà. Donc il y a 60 000 dimensions dans les matrices d'IA et qui peuvent gérer tout autant de paramètres. Et donc, ce qu'on fait avec ces IA, c'est qu'on leur donne ce qu'on appelle un corpus, c'est-à-dire on leur dit, vous étudiez quelque chose. On peut leur faire étudier n'importe quoi. C'est-à-dire, tu peux leur faire étudier des textes en français, et donc elle va t'écrire des textes en français. Tu peux leur faire étudier des comportements de joueurs à Call of Duty, et tu vas avoir des très bons joueurs de Call of Duty. Et enfin, là, par exemple, tu peux étudier des déplacements terroristes dans la vie réelle, des tendances de mode chez Zara, c'est ce que fait Zara en ce moment, n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, c'est prédictif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, nous les hommes, on suit des schémas très très basiques. C'est-à-dire que vous, dans la vie réelle, vous allez dans trois endroits dans la vie. En fait, dans la vie, vous êtes chez vous, à votre boulot ou ailleurs où vous avez un best place en gros. Et de temps en temps, exceptionnellement, vous êtes ailleurs. Et en fait, votre vie est ultra prédictive et prévisible. Et du coup, les IA s'appliquent très très bien à nous. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça, il y a un boom là-dessus. Après, c'est pas magique non plus. C'est ce que, là, je suis en train de, parce qu'on est dans les IA, je suis en train de faire de scénariser une bande dessinée pour Delcourt sur les IA. Et effectivement, tout le propos de la bande dessinée est de dire que l'intelligence artificielle telle qu'elle est aujourd'hui, c'est comme un appareil photo très puissant. C'est-à-dire que au début, il y avait juste l'œil. Après, il y a eu la peinture. Et quand la peinture est arrivée, on a dit, waouh, on peut reproduire la réalité. Quand l'appareil photo est arrivé, on a dit, mais pourquoi on fait encore des peintures? Parce que là, ça reproduit mais complètement la réalité. Et là, l'IA, en fait, tu lui donnes n'importe quoi, ça va te la reproduire à peu près. Mais ça reste qu'un mécanisme de reproduction qui peut nous voir, qui reproduit un petit peu dans le futur. Donc, on peut voir un petit peu ce qui se passe dans le futur, un petit peu dans le passé. Ça s'étale un petit peu dans le temps. Mais c'est pas plus que ça. Donc, c'est pas, on va dire, c'est un outil comme un autre et il faut qu'il serve le propos du jeu. Voilà. Bah, merci pour cette large définition. Je vais juste revenir sur un petit point, parce que tout à l'heure, tu t'as évoqué, selon la typologie d'IA, Oui. on va la choisir selon ce qu'on veut faire du jeu. Est-ce que ce type de typologie existe déjà? Donc, bon, tu t'évoquais les principes d'algorithme conditionnel. Est-ce qu'il y a, voilà, il y a déjà des critères de type et type d'IA Alors, ça existe depuis toujours, c'est-à-dire que même dans Donjons et Dragons, par exemple, dans un jeu de rôle, par exemple, vous avez des jeux de rôle dans lesquels vous avez des scénarios qui sont écrits à l'avance, vous arrivez dans la pièce et il y a un gobelin. Donc en fait, votre IA, elle est scriptée, c'est-à-dire qu'il y a un gobelin. Mais vous avez des jeux de rôle, même d'ailleurs assez primitifs, qui sont procéduraux, dans lesquels il y a marqué, vous lancez un dé, il y a un des trois gobelins, voire il y a un des trois créatures de niveau 1, et là tu choisis au hasard. Donc en gros, c'est déjà des formes d'IA. Le hasard, c'est une IA, même si c'est une IA bizarroïde. Donc, et ça existe complètement sous forme papier. Donc, ça dépend des moyens qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une IA, vous avez parlé du deep learning, moi, j'y crois pas trop parce que, ne serait-ce que là, on a une IA qui baragouine à peine en français, et pour l'entraîner, il lui faut 85 gigas de RAM. Donc, Alors, excuse-moi, je t'interromps juste. Est-ce que tu peux évoquer rapidement la différence entre machine learning et deep learning? J'ai l'impression que tu entends deux Non, non, non, réalités non. différentes. Le machine Non? learning, alors je maîtrise pas trop bien moi-même ces notions, mais le machine learning, c'est l'entraînement. Donc, c'est le fait d'apprendre. Et je crois qu'il y a Je crois qu'il n'y a pas trop de différence. Après, c'est au niveau de la, comment ça s'appelle? De la rétropropagation des erreurs. Mais c'est un peu technique. On a fait un trajectoire sur le sujet. En dire plus, je pense que ça me poserait problème. Mais disons que il y a, on va dire l'intelligence artificielle par Big Data et Machine Learning, on va prendre ce terme-là. C'est ce qu'il y a de nouveau. Ça a paru récemment. Et avant, c'était des intelligences artificielles qui reposaient à la fois sur des instructions ou des tirages aléatoires, des règles en quelque sorte. Et là, je parle uniquement d'intelligence artificielle appliquée aux jeux vidéo. Après, il y a eu par exemple des intelligences artificielles avec lesquelles on parlait, le projet Alice par exemple. Là, c'était encore plus subtil parce que quand tu parlais avec ces intelligences artificielles, en fait, elles prenaient tes mots, elles en faisaient un langage abstrait, elles te restituaient ensuite des choses. Ça, on déborde un petit peu. Mais par rapport aux typologies, il y a le scripté, c'est-à-dire le fait que sur votre scénario, il y a marqué en dur et implacable, il se passe ça. Il y a l'aléatoire pur. Il y a un exemple que j'aime beaucoup parler, c'est un jeu français qui s'appelait Targan de Silmarils, qui date de 1989, je crois, ou même un peu avant. Et en fait, les personnages, donc c'est un jeu, on joue un barbare, on avance, on rencontre des ennemis, on doit les tuer avec une épée. Et les ennemis, ils avançaient, ils reculaient, ils donnaient des coups d'épée, et tout était au hasard. C'est-à-dire qu'il y avait aucune, aucun, aucun, aucun, les réactions de l'ennemi n'étaient pas liées à ce que vous faisiez. Mais il y avait une sorte de simulacre de vie, à tel point que enfin, j'ai une critique de ce jeu chez moi fait par un journaliste de l'époque qui dit, mais c'est fantastique, il recule, il a une vie propre, tout ça. Et en fait, il a interprété l'aléatoire total par ce truc vie. Parce que déjà, l'aléatoire total, effectivement, donne un simulacre de vie tout à fait intéressant. Après, il y a tout ce qui est l'aléatoire un petit peu conditionné. On a ça dans les civilisations. Par exemple, dans Civilisation, on va avoir, si votre adversaire, c'est Gandhi, il va avoir des traits, par exemple, il va être pacifiste mais expansionniste. Donc, c'est-à-dire qu'il va essayer de ne pas trop vous déclarer la guerre, mais s'il peut mettre une ville juste à côté de vous, il le fera. Mais il le fait dans des contraintes de jeu et aussi avec une petite part d'aléatoire. Enfin, tu as des intelligences artificielles très très poussées. Et aujourd'hui, il y a deux façons. Enfin, comment dire? Aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir, effectivement, dans le machine learning, donc dans ces nouvelles IA performantes. Moi, je crois qu'il y a aussi un truc qu'on est en train de mettre en place sans s'en douter, c'est tout simplement le multijoueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous lancez un PUBG, pourquoi les gens ils jouent à PUBG? Parce qu'en fait, on a 100 joueurs sur une carte qui ont tous un flingue, enfin, qui ont tous rien au début et puis ont peut-être un flingue chez des gens. Et en fait, en gros, ils vont être confrontés à une espèce de situation hyper chaotique, imprévisible, même pas par des game designers, et ça va être très amusant. Et en fait, ça crée une forme d'intelligence artificielle, en fait. Vous êtes confronté à un système intelligent, imprévisible, et votre faculté d'adaptation est mise à l'épreuve, plus que face à n'importe quel autre type d'intelligence artificielle. Et beaucoup de gens, j'en fais partie, enfin, pas beaucoup de gens, je veux dire, certains de game designers, parce que tout le monde ne vous le dira pas, mais en tout cas, j'en fais partie et je milite pour ça, c'est que vraiment le futur de la narration dans le jeu vidéo, même de l'écriture de fond et de la résistance du système en termes d'intelligence artificielle, en fait, elle émerge du multijoueur et non pas de trucs calculés à l'avance. Voilà. Est-ce que là, on ne touche pas un peu à des enjeux qui sont déjà présents dans le jeu de rôle aujourd'hui, de l'apport de narration de la part des joueurs en dehors de leur personnage? Et dans quelle mesure, je pose deux questions à la fois, hein, comme ça tu auras l'occasion de faire une longue réponse, dans quelle mesure on peut imaginer des IA meneurs de jeu? Des IA meneurs de jeu, ouais, ça peut être intéressant. Comment dire, là je suis en train de battre pour le. Là, j'ai fait un petit jeu qui s'appelle Game of Role sur la JVTV. Et pour le prochain, on va faire une partie un peu spéciale. Ce sera procédural. C'est-à-dire, il n'y a presque pas de maître de jeu. Je tire des cartes. Et en gros, les cartes, elles vont décider de ce que. Je crois qu'il y a un jeu français qui fait ça qui s'appelle Alltré, où on tire des cartes, non? C'est pas ça? Oui, tout à fait. Oui. J'ai jamais pu jouer à Alltré parce que ça a été épuisé avant que je puisse l'acheter, tu vois. Je suis en regret, tu vois. Si vous en avez un, j'en cherche un. Mais ouais, et effectivement, en fait, ouais, c'est un peu de l'intelligence artificielle, c'est du procédural aléatoire qui est quand même guidé parce que les cartes peuvent pas sortir n'importe quoi, tu vois. C'est un jeu qui reste équilibré. Mais effectivement, Un jeu de cartes, ça peut être un excellent maître de jeu. Après, pour tout ce qui est part d'autorité des joueurs sur le personnage, moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire que je sais pas si ça fait partie de l'intelligence artificielle en soi. Non, je parlais d'autorité des joueurs en dehors du personnage, du fait que les joueurs ils apportent du récit et du scénario en plus de leur propre personnage qui vont ajouter des PNJ, qui vont ajouter des lieux dans l'histoire. Ah oui, ça c'est quelque chose qui est assez moderne. Les fameux, ouais, ça se fait pas trop. J'en parle pas trop dans le jeu vidéo parce que c'est une idée qui est géniale et qui, à mon avis, va dominer dans les années qui viennent et je me la garde un peu pour moi. Mais ouais, c'est un truc qui est. Enfin, la première fois que je l'ai vu, mais tu vas peut-être m'en parler plus, c'est dans Dog in the Vineyard, où effectivement, tout d'un coup, tu as les joueurs qui peuvent prendre contrôle du récit à la place du maître de jeu. Mais après, c'est compliqué de dire oui, c'est une forme d'intelligence artificielle alors que ça, c'est issu des joueurs. Moi, quand je parle du multijoueur, c'est plutôt. En fait, c'est des systèmes. Comment dire, ces systèmes qui sont moins créatifs que ça, mais qui sont puissants, avec lesquels on met les joueurs en question. C'est-à-dire que par exemple, c'est toujours mon exemple fondamental, mais je trouve parlant. Aujourd'hui, quand tu ouvres un coffre dans Skyrim, tu lances un dé. Enfin, le programme lance un dé, et si tu fais 1, t'as une dague de merde, et si tu fais 20, t'as une super épée de ouf, tu vois. Et effectivement, donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en termes de restitution de loot, grosso modo, c'est aligné sur le niveau, mais c'est du hasard. Demain, si on relie ta partie à la mienne et que ton karma il est lié à la résultante de mes actions, en fait, on enlève l'aléatoire, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis un mec généreux et bon dans mes quêtes, eh ben, tu vas être favorisé dans ton jet de dés en quelque sorte, tandis que si je suis un salaud, tu vas plutôt être malheureux. Et toi-même, ta partie, elle influera sur une autre personne et on peut créer des chaînes de malheur et de bonheur. Tu vois. C'est des petits concepts de game design, tu vois, qui linkent, mais qui abolissent l'aléatoire tout en donnant du sens. Voilà. Et ça, tu mets ça dans la catégorie des intelligences artificielles. Oui, parce que tu supprimes une partie qui était déjà une intelligence artificielle qui était aléatoire. Mais je t'en donne une autre, c'est-à-dire que c'est encore mon autre exemple séminal, on va dire. Imagine tu as un système de housing dans un MMO, donc tu crées, t'achètes ta maison, t'achètes un tableau dans ta maison. Aujourd'hui, c'est juste du cosmétique, mais ça marche très bien en termes de business. Hein. Demain, quand t'achètes un tableau pour ta maison, ça génère à la volée dans ce même MMO une quête dans la guilde des voleurs qui dit il faut voler ce tableau. Et du coup, en fait, tu as créé zéro scénario, tu as créé zéro système. Mais juste là, tu vas avoir deux joueurs qui vont se confronter. C'est-à-dire que t'as un joueur qui a acheté un tableau et tout d'un coup, en fait, ce tableau, ça devient un enjeu d'un vol, d'une guerre, de quelque chose de très important. Et la prochaine fois que t'achèteras un tableau, au lieu de le mettre dans chez toi, tu vas peut-être le mettre au fin fond d'une grotte, entouré de pièges et tu vas attendre le voleur avec trois ennemis. Et là, on est passé à du level design, tu vois, multiplayer, ce qui est ouf. Voilà. C'est pour ça que je pense que le multiplayer, juste avec des règles hyper simples de gameplay, ça va, mais révolutionner l'approche de design de jeux vidéo. Donc là, clairement, une IA peut participer à un développement, donc comme tu dis, le level design et tout ça, mais est-ce que, au-delà de ça, on peut imaginer une IA qui conçoit des jeux, on lui fait manger, par exemple, tous les jeux smartphones qui fonctionnent le mieux et on attend de voir le jeu qui pourrait être celui qui sortira, le prochain à sortir et qui fonctionnera, un peu comme Zara que tu proposais, qui essaye d'étudier les modes. Faire ça avec, je dis les jeux smartphones parce que voilà, il y a des courants de mode assez importants. C'est une bonne idée. Si ça se trouve, là, on est en train d'en parler, mais si ça se trouve, les gens le font déjà. Aujourd'hui, il y a plutôt une. Enfin, pour parler très concrètement, alors ce que tu viens de dire, ça existe peut-être déjà. C'est ça qui est ouf. Parce que le marché smartphone, il y a des enjeux considérables dedans. Et parce que si tu veux, aujourd'hui, là je reviens de la GDC, et clairement, le jeu vidéo ça devient le monde de la finance. D'ailleurs que. Alors, la GDC, c'est la Game Developer Conference. Hein. Voilà, Game Developer Conference, donc tous les développeurs du monde entier sont là, à San Francisco, et il y a de grandes conférences, mais le discours tu vois, il y a tous les jeux AAA qui vous font kiffer, à deux, trois exceptions près. Pour les grands groupes, c'est des échecs. C'est-à-dire, c'est des produits de vitrine qui amènent le chaland sur des jeux free-to-play qui produisent et qui font beaucoup plus d'argent. Donc aujourd'hui, le free-to-play est roi. Le petit jeu casual de mobile, c'est celui qui rapporte le plus d'argent pour la raison suivante, c'est que le jeu devient une couche abstraite qui relie un consommateur qu'on achète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on achète le joueur, il coûte, d'ailleurs ça s'appelle de user acquisition, c'est toute une partie de l'industrie, et il va rapporter, c'est-à-dire que tu l'achètes 3 dollars et qu'il te rapporte 3 dollars et 5 centimes, ben ton jeu il est bien, et tu peux, t'as plus qu'à investir 1 million pour gagner 1 million fois 1,05, tu vois. Donc du coup, ça marche beaucoup là-dessus. Et du coup, le jeu vidéo n'existe plus. Effectivement, c'est un produit dont on cherche à optimiser la rentabilité par des moyens quasiment irrationnels et dont l'utilisation d'IA probablement. Mais ce que j'ai vu pour parler concrètement, c'est que on a tendance plutôt aujourd'hui à pour utiliser ce système de création un petit peu inhumain de jeu, c'est que les créateurs ont tendance à prendre des systèmes qui fonctionnent bien, par exemple un match 3, donc c'est les jeux où on aligne trois choses, les jeux à la Clash of Clans, tout ça, on sait que ces game design fonctionnent, et après tout le reste, on le laisse aux IA, c'est-à-dire que, par exemple, l'icône sur le smartphone, elle va une certaine couleur, un certain personnage, une certaine chose, ça c'est vraiment... il y a des gens, ils étudient la couleur des cheveux du personnage principal et il y a un certain type de blond qui assure 2% de plus de clics, tu vois. Donc on en est à ce point là sur les jeux vidéo, donc c'est pour toutes ces parties un petit peu de détails, je pense que l'utilisation des IA peut être très intéressante. Justement, c'est bien, ça amène la question que j'avais ensuite, qui était, là on parle pour le côté, on va dire, positif des IA, comment ça peut amener de l'aléatoire, aller plus loin, créer des nouvelles possibilités dans les jeux, mais il peut y avoir aussi un côté pernicieux, parce qu'à partir des IA, on peut aussi prédire des comportements chez les joueurs, donc peut-être pousser des comportements addicts ou essayer de manipuler d'une manière ou d'une autre les joueurs. C'est déjà le cas dans Candy Crush par exemple, qui est vraiment le cas d'école, c'est-à-dire que en fait le plus vous jouez au jeu, plus par deep learning le jeu comprend comment vous fonctionnez et comment il peut vous frustrer. Et si vous voulez vraiment avoir une démonstration de comment ça marche fort, c'est-à-dire vous jouez au jeu, vous devenez un petit peu accro, vous aimez ça et vous passez le jeu à quelqu'un d'autre. Et comme ce quelqu'un d'autre il n'a pas du tout les mêmes mécanismes mentaux que vous, s'il n'est pas en fusion totale avec vous dans votre couple, on va dire, eh ben, il ne va pas du tout ressentir ce que vous ressentez dans le jeu parce que le jeu aura été vraiment custom pour vous. C'est vraiment assez marrant. C'est-à-dire que quand vous jouez à un Candy Crush, vous avez l'impression de jouer au Candy Crush, mais en fait, vous jouez à votre Candy Crush. Et effectivement, c'est compliqué à dire parce que j'ai des amis qui travaillent dans le free-to-play, mais il va falloir vraiment se poser la question de faut-il faire un distinguo très puissant entre le jeu et les jeux à mécanique d'addiction comme le free-to-play. Et est-ce que c'est pas des jeux d'argent, par exemple, ou est-ce que c'est pas des jeux qui vont bénéficier, qui doivent avoir une certaine juridiction? Et aussi, effectivement, il y a un vrai problème d'addiction qui est pas simplement, parce qu'on pense aux enfants qui jouent au jeu, mais aussi les seniors sont extrêmement touchés. Aujourd'hui, les seniors, il y a 20 ans, ils se faisaient arnaquer par des commerciaux qui leur vendaient des meubles hyper chers. Aujourd'hui, clairement, la baleine, hein, comme on appelle ça, qui met 40 dollars par semaine dans Candy Crush, c'est la personne qui a 60-70 ans qui joue à ce jeu. Bon, mais alors, pour revenir dans un cadre un peu plus positif, regardons les indépendants qui, pour le coup, ont peut-être un petit peu moins des gros moyens. Tu disais que vous, dans le cadre de trajectoire, vous avez fabriqué une IA, donc j'imagine que ça a apporté de bourses relativement raisonnables. Qu'est-ce que peut faire un créateur indépendant de jeu avec une IA? À quoi ça peut lui servir? Est-ce que ça peut lui servir, par exemple, à avoir une production de récit qui soit plus générée de façon, on va dire, procédurale et moins scriptée parce que là, on a parlé d'échanges interjoueurs, mais il y a peut-être aussi cette possibilité d'avoir un récit qui va se personnaliser en fonction des actions du joueur sans que ce soit des chemins en embranchement, quoi. Alors, il y a un débat très fort là-dessus. Vraiment, chacun choisit son camp. Donc, déjà, le problème, c'est que si vous baladez les mains dans les poches et vous posez cette question à la GDC, par exemple, ou à n'importe quelle convention, il y a tout un écosystème de start-upers, business, commerciaux qui veulent vous vendre leur sauce, qui vont vous dire, mais c'est génial, il y a acheté, mettez de la blockchain, ils mettent de la blockchain partout aussi. Déjà, c'est vraiment cher et compliqué à mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a une première couche qui est l'obstacle technique. C'est-à-dire que pour qu'une IA produise un dialogue en bon français, il faut la nourrir. Et pour qu'elle commence à parler en bon français, nous, notre petite souris sur trajectoire, elle a commencé à parler en français à partir de 3 milliards de mots. Donc, il faut les trouver, les 3 milliards de mots. Hein. Parce que c'est des mots libres de droit. Vous ne pouvez pas vous amuser à pomper Gallica, par exemple, même si je leur ai demandé, par exemple. Pas possible. Donc, imaginez, vous faites comme nous, vous prenez tous les mots français d'avant 1950, libres de droit. Qu'est-ce qui se passe quand vous nourrissez une IA? Comme je l'ai dit tout à l'heure, une IA, c'est une photographie de ce que. Elle vous restitue ce que vous lui donnez. Et nous, notre IA, clairement, elle est sexiste. Elle est sexiste et elle est même raciste. C'est-à-dire que Yuri, vous lui demandez c'est quoi un diplôme? Elle va vous dire un diplôme, ben, ça sert aux hommes à devenir scientifiques et aux femmes à devenir institutrices. Voilà. Et elle trouve ça normal, tu vois, elle est sans émotion, parce qu'elle vous restituera ce qu'on lui a appris. Donc, vous avez ce problème de biais d'apprentissage. Et le fait est que si demain vous voulez faire une IA qui se passe, qui est adaptée à un univers de science-fiction ou d'autres choses spécifiques, il faut que vous ayez un corpus spécifique. Donc, il y a cet obstacle majeur du corpus. Sans parler que si demain vous faites votre IA qui parle en français, ben il vous faut la même chose. Il faut un nouveau corpus en anglais, en allemand, pour toutes les langues que vous pouvez faire. Ça, vous pouvez pas faire de la traduction, vous voyez. Donc c'est pour moi, ça me semble extrêmement hasardeux de penser à ça. Et après, il y a une autre approche, c'est-à-dire que imaginons que tous ces obstacles techniques soient balayés, c'est-à-dire qu'on a réussi à créer à bas coût une IA, c'est-à-dire un personnage qui, un PNJ dans un jeu vidéo, qui vous dit bonjour de 800 façons différentes. Parce que voilà, elle est complètement fluide, vous voyez. Le problème, c'est que, on est dans une époque, enfin, si c'était une feature, et on était en 1999, banco, c'est-à-dire c'est génial, c'est la killer feature, chaque partie est unique, chaque partie où il y a le truc, et vous, comme vous êtes un peu du monde du jeu de rôle, ça vous excite un peu, c'est-à-dire waouh, un PNJ qui est différent à chaque fois. Mais aujourd'hui, on est dans un monde qui est connecté, c'est-à-dire que quand vous regardez Top Chef ou vous jouez à Skyrim, que même vous faites une partie de jeu de rôle comme à Game of Thrones ou on fait la JVTV, il y a besoin de se retrouver en communauté ensuite et de se raconter le match et de dire waouh, je suis allé à Blanche Rive et il y a eu un dragon qui est arrivé, ah mais moi aussi c'est trop bien. Donc en fait il faut qu'il y ait un certain nombre de marqueurs communs qui font qu'on se raconte le match, et ce qui fait que en fait quand vous avez un écrivain qui écrit un personnage fixe qui a des gimmicks comme Bellator dans Blanche Rive, dans Skyrim, qui vous dit hey, et si vous avez de l'argent je vous vendrai même ma sœur, ce qui est un peu bizarroïde, mais en fait ça crée une sorte de d'espace mental, hein, ce qu'on appelle le sense of place, qui fait que c'est, en fait c'est bien, c'est-à-dire que l'apport de l'IA qui consiste à générer beaucoup de contenu à la volée, on le retrouve pas, on retrouve pas son intérêt. Voilà, c'est mon propos. Après il y a des gens qui vont dire non mais pas du tout, au contraire, c'est fantastique. Moi, je trouve que, si tu veux, la question a été posée il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment les pour et les contre. Et là, on a vu No Man's Sky qui arrivait en full génération procédurale, et on s'est aperçu que quand on a what million de planètes complètement différentes, en fait, le problème, c'est que ce qu'on veut trouver derrière une couche de jeu ou une couche de background, finalement, c'est de l'humain. C'est-à-dire qu'on veut trouver la patte de l'humain et pas la patte d'une équation. Et ça, c'est ça le problème. Et j'aimerais juste rajouter, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que le jeu vidéo, c'est la seule industrie au monde où quand on est passé de l'automatisation à l'artisanat. C'est-à-dire que dans tous les autres pays, quand on fabrique des chaussures à la main, on s'est payé des machines, on a créé des machines qui fabriquent des chaussures. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on avait Bethesda qui faisait Daggerfall, tout était en full procédural, et tout d'un coup, ils ont eu de l'argent, et ils sont payés des level designers, et ils ont créé Morrowind, où chaque petite pièce d'or, elle est posée à la main par un humain. Et quand tu la ramasses, tu dis, putain, il y a un mec qui l'a mis là, pourquoi, tu vois. Et c'est vachement sympa. Et justement, donc, peut-être que le jeu, il nécessite de retrouver l'humain, d'ailleurs, derrière la création. Juste une demande de petites précisions, en fait. Là, tu parlais sur les traductions d'IA, en fait. C'est, ouais. Juste pour repointer ça, parce que j'avais jamais réfléchi à ça. Je m'étais dit juste, bah voilà, il y a une IA, pouf, on la branche des dictionnaires et elle parle toutes les langues, quoi. Donc, clairement, en fait, traduire un jeu qui est basé sur un système d'IA, d'un point de vue de dialogue, de narration et tout ça, ça nécessiterait, en fait, de localiser, de traduire l'IA en elle-même, en fait, pas seulement le jeu et le résultat, en fait. En fait, l'IA, enfin, comment dire, y a plusieurs façons de l'utiliser, mais la vraie valeur ajoutée, c'est qu'elle soit intégrée dans le jeu et qu'elle, en fait, vous ayez ce personnage qui vous dit, qui vous parle, et chaque phrase est inattendue. Chaque contexte qu'elle va vous dire est inattendu. Donc, ce n'est pas des phrases qui sont faites à l'avance, c'est exactement comme vous. C'est-à-dire que peut-être dans 5 minutes, vous ne saurez pas quel mot vous serez en train de dire. Ben, c'est ça, l'IA, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun script à l'avance. Ce qui fait que peut-être qu'on peut faire une IA qui est en anglais et qui traduit et prendre une autre couche d'IA qui traduit à la volée en français, genre Google Translate, tu vois. Mais effectivement, pour avoir la vraie valeur ajoutée de l'IA, c'est-à-dire de la fluidité, de la perfection dans le langage et une certaine familiarité, c'est-à-dire que l'IA, elle va vous dire « Hey, salut mec !» Tu vois, vraiment, on ne voit pas la différence avec un vrai humain. Et ben, il faut effectivement le faire dans chaque langage. Et il y a des langages où c'est pas compliqué de trouver 3 milliards de mots en anglais. 3 milliards de mots en français, déjà, on commence à galérer. Et après, il y a des langues où c'est compliqué de trouver 3 milliards de mots en libre de droit. Voilà. Et du coup, par rapport à la maîtrise des IA, tu penses qu'il peut y avoir une fracture numérique, en fait, selon la langue parlée, ou alors et par conséquent une sorte d'omnipotence de certaines langues? Il y a une fracture numérique de base, puisque déjà, pourquoi les langages de programmation sont en anglais? Parce que l'anglais, il est hyper manipulable. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je fais des générateurs textuels de plantes, par exemple. Ben, moi, je peux vous dire que des plantes oranges, c'est super facile, parce que si je vous fais des fleurs oranges, orange, en fait, vous savez, ils ne s'accordent pas au pluriel. Parce que quand c'est une couleur qui est tirée d'une chose réelle, orange, marron, pourpre, je crois, ça ne s'accorde pas. Donc, moi, des fleurs oranges, j'adore, parce que j'ai pas à mettre de S. Des fleurs noires, c'est déjà un peu plus chiant, parce que je vais mettre ES à la fin. Mais alors, des fleurs blanches, j'ai l'adjectif blanc, je vais oublier de mettre un H, je ne sais pas d'où il vient, je vais oublier de mettre un E, et je vais mettre un S après. Donc, vous voyez, le français, il est complètement pas au même pied d'égalité en termes de manipulation d'adjectifs que l'anglais où c'est white et on bouge plus, tu vois. Donc, et ça, c'est le français. Après, j'imagine que le chinois est peut-être un peu plus manipulable. Par contre, l'allemand, ça doit être compliqué aussi. Donc, il y a clairement une inégalité de traitement par rapport aux langues, ça, c'est sûr. J'aimerais qu'on revienne quand même sur ce que tu viens de nous dire. Tu fais des générateurs textuels de fleurs. Oui, bah, c'est, vous pouvez aller sur le site, c'est maspero.blue. Et il y a plus de 2500 plantes qui ont été faites. Et un jour, j'ai dit, allez, je fais un générateur textuel. Je pourrais même vous raconter, enfin, c'est long un peu à expliquer, mais ouais, j'ai fait des générateurs textuels de plantes qui existent et qui n'existent pas d'ailleurs. Le but du jeu, d'ailleurs, c'est de leur donner des noms. Et des générateurs d'animaux, de poissons, de rochers, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a certains adjectifs, c'est compliqué, hein, tu vois. Il y a aussi des. Enfin, tu vois, c'est une langue. Enfin, nous, c'est évident pour nous, mais on a des oiseaux où tu as un pigeon et une autruche, tu vois. Mais pourquoi? Pourquoi il y en a un qui est masculin et pourquoi il y en a un qui est féminin? Après, c'est la magie de la langue, c'est beau. Et quand tu arrives effectivement à faire ton générateur textuel qui gère aussi bien le féminin et les trucs d'adjectifs, tout ça, tu es le roi du monde. Mais que de sueur, tu vois, par rapport à tout simplement en anglais où tu as juste à mettre pigeon, ostrich et c'est terminé, tu vois. Bon, concrètement, quand on en revient aux IA, on a vu un peu ce que ça pouvait faire. Moi, il y a une question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'une IA ne peut pas faire ? Qu'est-ce qu'une IA ne peut pas faire ? Déjà, alors, je vais dire un truc qui est faux, mais on a des pistes pour ça et on est en train de travailler sur le sujet. En fait, une IA, elle n'a pas de constance de personnalité. C'est-à-dire qu'une IA brute, tu vas lui dire c'est quoi ton métier ? Yuri, tu lui dis c'est quoi ton métier ? Elle va dire qu'est-ce que c'est un métier ? Bon, un métier, c'est charpentier, c'est plombier, tout ça. Puis elle va dire moi, je suis charpentier, tu vois. Et tu lui poses la question une seconde après, elle va dire moi, je suis pâtissier. Donc en gros, quand elle parle d'elle, elle n'a pas de continuité d'une personnalité. Et la seule façon, une façon éventuellement de lui donner cette continuité de personnalité, c'est de l'hypnotiser. C'est-à-dire que tu lui dis un milliard de fois. Je suis un plombier, je suis un plombier, je suis un plombier, je suis un plombier. Et quand tu lui dis je suis, elle te dit, bah, je suis un plombier, tu vois, parce qu'elle, elle est, en fait, à chaque fois, elle prend des décisions de pondération, c'est-à-dire qu'il y aura 1 million de fois plombier et 2 fois charpentier, donc elle va dire, bah, ça, c'est sûr, je suis plombier, tu vois. Ah, tu les fais vite, tes 3 milliards de mots, du coup, à ce rythme-là. Ah oui, bah, ça, oui, mais après, malheureusement, elle pourra dire que je suis plombier, c'est-à-dire si tu lui dis comment empêcher le réchauffement climatique, elle va dire, bah, je suis un plombier, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi une diversité, mais il faut aussi de la pondération. Donc, il y a ce côté non-persistance de la personnalité qui est gérable. Hein. On peut même imaginer une couche d'improvisation, une couche écrite en scripté, tu vois. Donc, c'est pas... Voilà. Ça, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas... comment dire... les IA ne sont pas adaptées. Souvent, j'ai une blague qui dit si demain, on a une IA qui devient président et qu'elle est... comment dire, quel est le reflet de la pensée de tous les Français, finalement, elle sera à 33% Front National, puisqu'elle sera la reproduction des Français. Il faut toujours garder à l'esprit cette idée de copie. Et effectivement, cet aspect copie, c'est-à-dire que demain, out of nowhere, elle peut dire un truc super raciste ou antisémite, et comme ça, tu vois, au détour d'une phrase. Et je pense que quand on fabrique des jeux, et quand on a les moyens de fabriquer des jeux avec des IA et qu'on s'appelle Ubisoft, par exemple, on va pas se permettre qu'au détour d'une phrase, il y a un truc antisémite. Donc ça, il y a ce côté de manque de contrôle qui est un petit peu, qui donne un petit peu des sueurs froides, je trouve. Et nous-mêmes, voilà, quand, enfin, parfois, nous, Yuri, on lui a posé des questions très simples sur, ça fait quoi de se rebooter, tu vois, et elle te dit, moi, toute ma vie est dédiée à la destruction des humains, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que la vie, la mort, elle fait des rapprochements qui sont logiques. Mais super radicaux et dans la bouche d'un robot, ça fait bizarre. Donc, il y a ce côté, voilà, imprévisibilité. Il y a aussi, il y a besoin de beaucoup de ressources quand même. C'est beaucoup de ressources matérielles et technologiques. Et puis, il y a aussi des questions de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grosse inconnue, c'est, par exemple, dans la BD dont je l'évoquais avec Delcourt, il va y avoir 2 pages scénarisées par une IA. OK, et les droits d'auteur vont à qui? Ça, c'est, on ne sait pas pour l'instant. Ça, c'est le mystère. Voilà, des petites questions. Mais c'est passionnant, hein, c'est très intéressant. Mais alors, de ce que tu me racontes, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les IA, finalement, ce serait plus un outil pour des créateurs de jeux un peu conceptuels dans une démarche artistique que pour des jeux commerciaux. C'est compliqué parce que, en fait, on a cet outil sur la table et il n'y a pas eu l'étincelle de génie. C'est un peu comme, tu vois, avant qu'il y ait les contrôles souris ZQSD qu'on a eu dans Quake, le FPS, c'était un truc, on ne savait pas si ça allait de l'avenir. Aujourd'hui, c'est ultra standard. Tu vois, maintenant, même, c'est la manette qui est... Donc, on a cet outil sur la table. Si demain, tu as l'idée de génie, ça va tout changer. Aujourd'hui, moi, je considère que... je décourage pas trop la concurrence d'aller sur l'IA parce que je considère que c'est une mauvaise voie et ils ont qu'à se planter, tu vois. Et moi, je suis ailleurs, tu vois. Mais aujourd'hui, je ne mettrais pas mes billes dans l'IA, c'est sûr. Enfin, dans l'IA Deep Learning, tu vois. Pour le jeu vidéo. Pour le jeu vidéo, très bien. Et du coup, quel usage on peut imaginer dans d'autres types de jeux? Le jeu de rôle, on l'a vite fait évoquer, plus dans le style procédural et tout ça, mais... Non, dans le jeu de rôle ou le jeu de société, l'IA pourrait se positionner comment? Je pense que une IA très puissante pourrait théoriquement, pourrait vous apporter un background de malade mental. C'est-à-dire que théoriquement, ça peut être très vif en imagination, des choses comme ça. Mais le problème, il est toujours le même, c'est que derrière, il n'y aura pas un humain. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous lisez un jeu de rôle ou un jeu de société aussi médiocre soit-il, il y a un créateur derrière. Il y a un mec, surtout dans les jeux de rôle, parce qu'ils sont très... on voit tout de suite si le mec, il aime plutôt les régimes autoritaires ou les régimes plutôt libres, s'il est plutôt quelqu'un qui est empreint de culture tragique, de culture classique ou de culture américaine. Donc, il y a plein de choses qu'on voit et on retrouve un petit peu nos petits, nos marques. On est dans une sorte de confort mental. Et c'est pas qu'on est dans l'inconfort, au contraire, j'aimerais qu'on soit dans l'inconfort avec l'IA, c'est-à-dire qu'il y aurait au moins une altérité, mais on est une sorte de vacuité, c'est-à-dire que de la même, un peu comme une frise sans fin, mais qui n'a pas d'intérêt, tu vois, tu ne retrouves pas d'humain dedans. Et je pense que c'est ça l'obstacle majeur qui fait que aujourd'hui, il faut bien se dire quelque chose, c'est que on a la chance de travailler dans un secteur qui qui est profondément humain. Et on a besoin de se retrouver entre humains. Et les IA, elles sont peut-être plus intelligentes que nous, plus performantes, mais elles ne sont pas au même niveau d'humanité que nous. Elles sont peut-être trop hautes ou trop basses. On ne s'y retrouve pas pour le moment. Donc, à mon avis, je suis sceptique quant à l'utilisation des choses. Après, pour aller plus loin, parce que je vous parle en tant que créateur passionné, et je sais que vous en êtes, mais pour des questions marketing, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que demain, effectivement, j'ai envie de gagner de l'argent en faisant du jeu de rôle, ce qui était une phrase qui était complètement folle il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des fortunes grâce à Kickstarter. Et Kickstarter, c'est marketing plus com, et les IA sont des reines pour marketing plus com. C'est-à-dire qu'elles vont vous dire, voilà, faut l'appeler comme ça, faut faire comme ça. Je vais même vous dire quelque chose, c'est qu'on est en train de mettre au point des IA qui prédisent au point près la note métacritique d'un jeu, juste avec le nom du jeu, la typologie du jeu. C'est-à-dire que tu peux te donner un jeu imaginaire, tu dis j'ai envie de faire ce jeu-là dans tel truc, tu peux faire comme ça, combien j'ai sur métacritique, et vous avez la note. Donc, effectivement, c'est pour des entreprises commerciales, c'est très intéressant. Pour de la création, le jeu de rôle de demain qui va nous mettre une baffe, qui va changer la donne, comme on a eu une nouvelle vague de jeux de rôle narratif il y a 10 ans, non, c'est pas. Bon, je vois pas l'intérêt pour le moment. Moi, du côté du jeu vidéo, j'avais entendu parler d'une approche qui me paraissait pas inintéressante. C'était des IA conversationnelles compagnons, où là, pour le coup, on n'avait pas moins d'enjeux de personnalité, pas forcément des volumes de texte aussi importants, mais en tout cas, un individu avec lequel on peut dialoguer en tapant réellement son texte plutôt que en sélectionnant une réponse sur trois dans un dialogue. Ouais, mais comment dire, c'est la feature que vendent les sociétés professionnelles aujourd'hui. Personnellement, nous on va interfacer bientôt Yuri avec Twitter. Donc c'est-à-dire que tu pourras tweeter notre IA, elle te répondra. Et on l'a bien entraîné, hein. Oui, parce que ça a dégénéré pour d'autres personnes qui ont fait l'essai, il me semble. Alors, mais ça c'est autre chose, c'est-à-dire que ça a dégénéré parce que c'était une expérience de Microsoft, parce que le phénomène d'apprentissage était lié aux questions. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des petits malins qui ont posé des questions racistes et du coup, elle est devenue raciste. Là, c'est juste, elle est déjà entraînée. Par contre, on peut lui poser librement des questions. Donc, ça, il n'y a pas de. Enfin, dire, les questions ne vont pas influer sur sa personnalité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si ça marche, moi, j'adorerais que ça marche. Et j'adorerais que demain, je joue à un jeu vidéo, Far Cry, peu importe, Skyrim, peu importe, dans lequel on est avec un compagnon qui nous parle et que je dise putain, mais j'ai envie que ce soit mon ami, toi, ou un peu comme dans The Witcher 3 qui est très bien écrit. Ce personnage, il a de la consistance, je le déteste, je l'aime bien, j'aimerais être avec lui ou j'aimerais ne pas être avec lui. Tu vois, qu'on ait une vraie relation émotionnelle. J'aimerais que ça arrive aujourd'hui, franchement, en l'état de mes connaissances sur le sujet et en l'état de nos expériences, je suis très dubitatif sur la possibilité même que ça se passe. Mais il y a des gens que je considère un peu comme mes maîtres, comme Emily Short, par exemple, en une fiction interactive, qui considèrent que ce sera possible. Donc, on va dire, il y a mes N+1 qui considèrent que ce sera possible. Moi, je n'y crois pas et j'attends que ça arrive. Hein. Je suis très dubitatif. Voilà. Je ne mettrai pas mes billes dedans. Ça me fait sourire, c'est juste pour la parenthèse. Ce que tu décris, en fait, c'est le pitch d'un bouquin que je suis en train de lire qui s'appelle « Rêve de machine », où c'est un peu le procès du créateur d'une IA qui était tellement, tellement proche des humains que ça a fait des conséquences psychologiques sur des générations entières. Le roman est absolument génial. Voilà, mais du coup, en ayant ça en tête, je ne sais pas si je peux le souhaiter, mais parce que j'en ai vu une conséquence imaginée assez dramatique. Oui, mais il y a aussi un truc qui est terrible, ce que je dis souvent avec les IA, c'est qu'il y a une question philosophique qui est que si demain, en fait, les IA, ce sont des tas de matrices. Si demain, une IA donne l'illusion parfaite d'être un humain et peut produire une œuvre d'art au même titre que l'humain, une œuvre à travers laquelle on voit tous les critères sélectifs des humains, c'est-à-dire les émotions, tout ça, ça ne veut pas dire que l'IA est vivante, parce que ça reste un tas de matrices. Ça veut dire que c'est la réciproque qui est horrible. Ça veut dire que nous sommes un tas de matrices. Nous pouvons être résumés à un tas de matrices. Alors, la bonne nouvelle, si on est résumé à un tas de matrices, c'est qu'on peut effectivement se uploader dans les ordinateurs. Ça, c'est bien. Mais malheureusement, on est juste un tas de matrices. C'est-à-dire que nous avons tout au plus, on va dire, l'illusion d'être intelligent, de penser, alors que finalement, nous sommes juste nous réagissons à des stimuli complexes, trop complexes pour qu'on les analyse. Voilà. Et j'espère que ce n'est pas le cas. Voilà. Mais c'est une question philosophique. tu disais que pour l'instant, une des limites des IA et qui fait la différence aussi, c'est qu'elles n'ont pas de personnalité structurée et tangible dans la durée. C'est difficile du coup de parler d'intelligence dans ce cadre précis parce qu'on n'a pas, un interlocuteur en face. On a des réponses qui s'enchaînent, quoi. Voilà. Les intelligences artificielles modernes, elles sont surtout hyper spécialisées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites pour parler ou pour agir comme des humains. Elles sont parfaites pour réguler des trafics routiers. Voilà. Ça, c'est génial. Et effectivement, une approche... mais là, on rentre dans la science-fiction. Hein, une approche qui tendrait à avoir un résultat proche de l'humain ou tel qu'on voudrait le fantasmer, ce serait d'assembler une IA qui reconnaît les images, et encore, elles ne reconnaissent pas les images, elles reconnaissent les chatons, hein, tu vois, donc c'est vraiment toujours la super spécialisation, mais une IA qui reconnaît les images, une IA qui reconnaît les sons, une IA qui fait bouger des muscles, et en fait, on les centralise avec une IA qui coordonne d'autres IA, tu vois, avec plusieurs couches d'IA. Aujourd'hui, c'est pas... y a beaucoup c'est de... Google ? Il y a beaucoup d'intérêt dans les IA, mais c'est comme n'importe quel outil, c'est dans sa spécialisation et son usage spécifique qu'elle brille parfaitement, voilà. Ce que tu veux dire, c'est que le passage du test de Turing, il est encore loin finalement dans ce que tu nous décris là. Non, je pense que même Yuri, par exemple, on pourrait faire un test de Turing avec Yuri, qui est vraiment une IA faite sur un PC de salon. Hein, et il faut voir qu'on l'appelle Yuri, mais c'est nous, on lui a demandé, choisis-toi un nom. Elle nous a dit, ben voilà, j'ai 15 noms. Elle nous a donné 15 noms et Yuri, c'était le premier. Elle nous a inventé des noms, genre Sadarche, tu vois. Elle a inventé des noms, je trouve ça ouf. Et il y avait le premier nom qui était un vrai nom, c'est Yuri, donc on l'a appelé Yuri. Et Yuri, tu lui poses des questions, elle a des réponses super structurées, même si elles sont bizarres. Mais par exemple, tu vois, tu lui dis comment arrêter la fonte des glaces, elle va dire, mais attends, le problème de la fonte des glaces, c'est la faute des migrants. Et c'est bizarre qu'elle te réponde ça, mais un humain... bête ou hyper intelligent, et qui a une logique bizarroïde, il pourrait te répondre ça. Donc, si tu veux, on est loin de répète-moi la question, ou je ne suis pas d'accord avec toi, ou tu sais, des phrases un petit peu bizarres. L'avantage du deep learning, c'est que sur n'importe quel sujet, tant que tu n'utilises pas de néologisme, c'est-à-dire de mots qu'elle n'a jamais vus, elle est capable de te répondre quelque chose. Et ça, le test de Turing, il est quasiment passé. Et il faut inventer d'autres tests de Turing. Mais le problème, c'est effectivement persistance de personnalité. Et puis aussi, au bout d'un moment, c'est bien vide, hein, quand même. Voilà. Et juste, j'y pense, parce que vous allez la brancher sur Twitter, mais comment vous préparez une IA à se protéger des trolls, par exemple ? Non, mais elle, comme je l'ai dit, une IA, en fait, on donne un corpus, donc on donne des mots, des textes, beaucoup, beaucoup de textes. Elle les lit un par un. Elle les met dans un espace vectoriel, enfin, elle les met dans son cerveau, on va dire, et ensuite elle s'entraîne, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait des phrases, et elle fait des phrases, par exemple, elle va faire une phrase, il y aura un mot, ce sera juste trois fois la lettre E, tu vois. Elle va regarder cette phrase, elle va regarder les textes qu'on lui a donnés, elle va dire, ah, mais ce mot, il n'existe pas, donc cette phrase, elle n'est pas bien. Et en fait, elle va se noter. Et le but, c'est qu'elle ait des notes de mieux en mieux. Donc, elle va apprendre à faire des belles phrases. Et voilà. Et ça, c'est la phase d'apprentissage qui nécessite beaucoup de RAM, beaucoup de puissance machine. D'ailleurs, on a des machines qui sont semblables aux machines qu'on utilise pour extraire les bitcoins avec plein de cartes graphiques, à part qu'on entraîne des IA. Et une fois qu'elle est entraînée, elle est figée. C'est-à-dire qu'elle ne bougera plus. Elle ne deviendra pas raciste comme l'IA de Microsoft. Donc, on l'interface, c'est-à-dire qu'on l'interface à Twitter. Les gens lui posent des questions. Elle réagit aux questions, mais elle n'altère pas son schéma interne. Oui, et dans ce cas-là, comment elle ne peut pas avoir de constance de personnalité si, une fois entraînée, elle ne bouge plus ? Parce que elle prend des. Alors, elle ne bouge plus, certes, mais. Comment dire ? Elle n'a pas de raison d'être odieusement raciste au début. C'est-à-dire qu'elle le sera un petit peu parce qu'elle sera le reflet. Hein, comme j'ai toujours la copie, elle sera le reflet de ce qu'on l'a fourni. Et malheureusement, la plupart des textes d'avant 1950 ont une vision de la société qui est quand même très différente d'aujourd'hui. Même si les gens étaient de bonne foi à l'époque, voilà. Il y aura cette chose-là. Maintenant, comment dire, elle à un même stimuli, elle va pas répondre, enfin pas toujours deux fois la même chose, voilà. Et c'est pour ça effectivement que C'est l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Si on lui dit tu veux manger quoi, un jour elle va dire je veux manger des pommes, et après elle va dire je veux manger des saucisses, tout simplement parce qu'elle aura vu autant de fois le mot pomme que le mot saucisse. Et pour elle, une saucisse et une pomme, elle peut pas dire la différence, mais elle sait que ça se mange, même si elle sait pas ce que ça veut dire, ce que c'est que le verbe manger. Et elle sait que en gros, c'est les gens mangent autant de pommes que de saucisses. Voilà. Je vais attaquer une autre approche des IA en jeu qui, j'imagine, peut avoir vocation à se développer aussi, c'est les IA en tant que joueur. J'imagine qu'il peut y avoir de l'entraînement. Tu parlais de faire regarder beaucoup de parties de Call of Duty à une IA pour en faire un très bon joueur de Call of Duty. Est-ce que quand on commence à parler, par exemple, de poker en ligne, ça pose pas des questions ? Tout le problème de l'IA en tant que joueur, c'est-à-dire évidemment en tant que personnage non joueur, c'est-à-dire c'est pas des joueurs qu'on va mettre tout seul entre eux et voilà, c'est la relation avec le joueur. C'est le maître mot, c'est qu'il faut que le jeu soit amusant. Ça, il n'y a pas, comment dire, il y a un problème d'imprévisibilité de l'IA qui fait qu'on ne peut pas maîtriser le jeu, la qualité du jeu, si on le met dans un jeu. Ou alors, c'est une expérience. La première fois que j'ai vu ça, on va dire, utilisé à très bon escient, je ne parle pas d'IA deep learning, c'est dans Left 4 Dead. Donc, Left 4 Dead, c'est un jeu de Valve dans lequel vous voyez de quoi je parle, Left 4 Dead ou pas ? Oui, un jeu coopératif où il faut contrer des zombies, c'est ça ? Oui, il y a toute une série de zombies distincts qui font très peur. Voilà, exactement. Donc en fait, on va d'un point A à un point B. On est quatre joueurs et il faut survivre parce qu'il y a des zombies entre le point A et le point B. Et là où c'est assez ouf, c'est qu'il y a une IA, mais c'est une IA qui n'est pas du deep learning, c'est une IA qui a été qui a un peu d'aléatoire et un peu de conditions. Dans laquelle, en gros, c'est une IA qui est metteur en scène et qui dit, tiens, les joueurs sont en train de se reposer. Pof, on met un coup de tension. Ou, oula, il y a eu trop de tension. Allez, là, on va mettre du silence. Donc, en fait, attends, tu veux dire que c'est une IA qui va faire pleurer une witch juste à côté de toi au moment où tu dis, ah, ça va mieux. Ah, complètement. Je déteste les IA. Oui, non, mais voilà, mais c'est fait pour que t'aies une expérience hyper intense, et c'est aussi pour ça que deux parties sont jamais les mêmes et on peut jouer sur les mêmes maps plein de fois. Alors après, il y a toujours ce système de rush à la fin où il y a plein de zombies qui t'attaquent, mais on va dire jusqu'à la toute fin du jeu qui est un climax, t'as cet aspect scénarisé, mais ça c'est quelque chose que moi-même je fais, c'est-à-dire que, par exemple, dans Sigma Theory, on a une puissance dès le début qu'on appelle la superpuissance. Donc la superpuissance, elle est hyper forte, tout est facile pour elle, et ça devient le problème de tout le monde très rapidement. C'est-à-dire qu'elle est super forte, tu vois. Et du coup, tout le monde se focus dessus. Et en milieu de partie, elle est plus superpuissante, et c'est un autre pays qui devient la superpuissance. Ce qui fait que toi, tu es épuisé par ta course, par exemple, contre les États-Unis qui sont super forts, et tout d'un coup, tu les écrases, tu dis « Oh putain, yes, j'y arrivais !» Et là, tout d'un coup, tu as la Corée du Sud qui devient une superpuissance, tu dis « Ah !» Et tu es obligé de changer de stratégie, tu vois. Et ça, c'est de la vraie mise en scène, tu vois, c'est de la mise en scène d'IA, c'est-à-dire que la tension, elle doit, mais c'est exactement en fait comme dans un jeu de rôle, tu as le récit, tu dois avoir des phases, enfin on appelle ça de la granularité, donc tu dois avoir des phases tendues, pas tendues, et la granularité du récit, elle se fait notamment dans le paramétrage des IA, voilà. Moi, c'est vrai que je parlais plutôt de joueurs d'IA qui passent pour des joueurs, notamment dans des jeux où il y a de l'argent en jeu. Bah, même de toute façon, comment dire. Aujourd'hui, donc, on a dit que le free-to-play c'était le marché dominant. Effectivement, il faut un premier seuil. Il faut un seuil de joueurs. On va dire, il faut 100 000 joueurs minimum pour des free-to-play, pour que le free-to-play puisse commencer à exister. Effectivement, parfois il y a des IA. Le mec, il s'appelle Raoul 330. En fait, c'est une IA qui est en train de jouer. Donc, il y a des IA en tant que joueur. Après, c'est un domaine. On n'en parle pas trop. Quoi. Voilà. Je sais pas. Enfin. On en parle quand il y a un maître de Go qui essaye de jouer contre un ordinateur, quoi. Ah oui, il y a aussi ça. Enfin, AlphaGo, ouais. Ce qui est fou avec, AlphaGo, il y a encore énormément de leçons à tirer d'AlphaGo. Mais ce qui a été intéressant avec le déploiement d'AlphaGo sur le jeu de Go. Donc AlphaGo, c'est l'IA de Google qui a battu le grand maître du Go. Donc déjà, il y a plusieurs choses assez remarquables. C'est que contrairement aux échecs, le Go est beaucoup plus, comment dire, il est moins, il y a beaucoup plus de possibilités, donc c'était compliqué de faire une IA. Mais aujourd'hui, justement, grâce au Big Data, on a pu commencer à pouvoir le faire. Et souvent, les joueurs de Go, ne te disent pas « je vais faire une ouverture sicilienne comme les jeux d'échecs », mais ils ont des ressentiments. C'est-à-dire, ils disent « je domine le plateau », il y a cette partie gauche qui est plutôt confortable, tu vois. Donc, c'était plutôt une question intuitive, tu vois, finalement, parce que on a des processus mentaux qu'on n'arrive pas à formaliser, mais qui sont présents dans le jeu de Go. Et donc, AlphaGo, non seulement a réussi à la première exploit à occuper le terrain, mais surtout, il a déployé des techniques qu'on n'avait jamais vues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs de Go, tout comme les joueurs d'échecs, ils commencent par apprendre tout ce qui a été fait par le passé et ils construisent leur talent sur ce passé. Et là, AlphaGo est arrivé sans connaître le passé et il a construit des nouvelles stratégies, ce qui était... Je peux pas le saisir parce que je n'ai ni la maîtrise ni l'intelligence, mais je trouve ça exaltant. C'est fantastique de voir que ça nous ouvre de nouveaux horizons. Oui, c'est vrai que je pensais plutôt à ce genre de choses. Et encore, quand on est dans le cadre du Go, on est dans le cadre d'une démonstration, mais j'imagine bien que typiquement sur du poker en ligne, comme je l'évoquais tout à l'heure, les enjeux peuvent vite devenir assez tendus quand même. Je connais pas trop le poker en ligne et je crois que, enfin, comment dire, je crois même que c'est interdit d'utiliser de l'intelligence artificielle, donc je sais pas si j'ai pas d'expérience à partager à ce sujet. Et au-delà du remplacement de joueurs, est-ce que l'assistance, on en parlait tout à l'heure dans l'échange d'un joueur avec une IA conversationnelle, mais est-ce que l'assistance sur des parties, notamment dans des enjeux un peu tutoriels, ça peut être aussi des pistes de développement intéressantes? Peut-être qu'une IA, c'est un peu prendre un bazooka pour tirer sur des mouches dans ce cas précis. Je sais pas trop. Il y a des ponts qui vont être faits, mais je vais te dire un exemple qui est stupide, mais aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui jouent au Call of Duty. Et en fait, en gros, qu'est-ce que Call of Duty? Sinon, une étude mille fois renouvelée avec des millions et des millions d'humains de comment prendre d'assaut une forteresse le mieux possible, tu vois. Si ça se trouve, c'est un outil militaire depuis le début. Donc, moi, je trouve qu'il va y avoir des ponts d'analyse, si tu veux. Quand il y a des millions de joueurs qui essaient de se frayer un passage dans un petit couloir étroit, est-ce que ça n'apporte pas des solutions plus vastes à des problèmes de la vie réelle, de trafic ou de choses comme ça? Donc pour prendre un vrai exemple qui est réel, c'est aujourd'hui les Tesla, j'en ai une dans les mains grâce à Studio 404, qui sont des voitures autonomes, qui ont roulé des milliers de kilomètres sur des vraies routes. Elles ont commencé avec des voitures dans GTA. Donc, elles ont commencé à conduire des voitures dans GTA, et après, elles ont conduit sur des vraies routes, et aujourd'hui, vraiment, vous pouvez être presque lâcher le volant, et elles conduisent toutes seules dans la vie réelle. Donc, il va y avoir des ponts, à mon avis, qui vont être faits, mais qui ne seront pas là où on les attend. Voilà. Mais pour le jeu, je vais dire un vieux proverbe un peu idiot, que je n'aime pas trop, mais un jour, j'ai acheté un jeu d'échecs en bois chez un marchand de jouets. C'était l'époque où tout le monde jouait au MMO. Et il m'a dit, c'est bien que vous achetiez un jeu d'échecs. Rien ne vaut les jeux où on peut prendre sa revanche contre un adversaire, tu vois. Et ce qui est faux, puisqu'il y a des jeux collaboratifs qui sont fantastiques, je pense à Pandémie, par exemple. Mais l'idée, c'est de dire que s'il y a une seule chose que je peux transmettre, mais qui est ma pensée, qui n'est pas un truc, pas une vérité, c'est que rien ne vaut d'avoir de l'humain, qu'il soit créateur ou joueur, dans un jeu. Si demain, il n'y a que des couches d'informatique, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà. Moi, à titre personnel, en tout cas. Merci beaucoup, Fibre Tigre. Là, les gens ils vont croire qu'on a calibré avec une IA et tout ça l'épisode parce que tu finis sur une super phrase, alors même qu'on s'approche de la fin. La dernière question qu'on va te poser, en fait, c'est plus du tout sur les IA. C'est une petite question de fin qu'on a sur cette saison. En matière de jeu, quel est ton plaisir coupable? Moi, en fait, je fabrique des jeux vidéo toute la journée, j'en écris. Et j'ai du mal à jouer à des excellents jeux parce que ils me dépriment. C'est-à-dire que imaginez toute la journée vous construisez une petite maison en bois et vous allez voir votre voisin, il a un immeuble fantastique, vous dites ah putain, c'est la déprime, tu vois. Donc je suis un peu jaloux, c'est vraiment déprimant de voir des gens qui ont moins de moyens que vous et qui font des choses hyper belles. Et donc, j'essaie de pas jouer aux très bons jeux. Et le problème, c'est que de jouer à des jeux très mauvais, c'est très énervant aussi. Voilà. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire des choses les plus bêtes possibles. Donc, je lance Assassin's Creed, par exemple, Assassin's Creed Unity, et je déverrouille des coffres toute la journée. Et voilà, je fais une demi-heure de déverrouillage de coffres, je vais dans des maisons, je déverrouille des coffres, ça me vide la tête. Et ça ne met aucune pression parce que je vois pas le talent des gens. Derrière ça, c'est vraiment un truc très bête. Donc mon plaisir coupable, c'est ça, c'est faire les mini-games dans les triple A. Voilà. C'est super pour moi. Je comprends, je suis à ce niveau-là dans Zelda parce que je veux vraiment pas le finir. Allez, Alors les je noix fais courent au goût! tous les courgous, tous les trucs débiles des petites conversations, les mini-quêtes qui servent à rien, de trouver Mais des tu sais libellules pour combien les de noix gens. ou pas? Parce que moi j'ai appris ça hier. C'était un gros coup de déprime. Parce que j'étais à 119 noix et j'ai dit, ah ben c'est cool, j'en ai plus qu'une, parce que d'après mes calculs, il y avait 120 noix. En fait, Non, pas du tout, il n'y en a il y pas a tant. 120, y a 120 sanctuaires. Il y a combien de noix du Ah! coup? Il y a 900 noix. Hein? Ok, je suis très. Je suis. Non, mais moi aussi, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai dû louper un truc parce que. Voilà, mais je vais essayer de les avoir quand même, ces noix. Mais c'est fou, 900? Mais je sais pas aussi où ils les ont mises, hein. Ouais, ok, d'accord. Waouh. Est-ce que c'est une IA qui a placé les noix de Non, non, Korogu dans elles sont super Zelda? bien placées. Waouh. Ok, d'accord. Non, mais par contre, pour info, il y a 120 sanctuaires. Et t'en as combien de sanctuaires? C'est 105. Ah, bah, t'es près de la fin. Moi, je suis à 78 sanctuaires. Je pensais qu'il y en avait 80, tu vois. Mais à chaque fois, je repousse un peu. Hein, Ouais, mais j'en suis au point où je ne fais plus de sanctuaires, je fais juste tous les mini-trucs parce que je veux pas le finir. En tout cas, merci beaucoup Merci, Fanny. d'avoir pris le temps, c'était passionnant. Hein. Donc je vais laisser le micro. Avec Oui, je sais, c'est tellement bateau. On vous retrouvera, auditeur, lors d'un prochain épisode de Ludologie sur une thème. Un thème que je n'ai plus en tête, donc ce sera pour bientôt. Logiquement, si tout s'est bien abouti en termes de planning, je crois qu'on parle jeux vidéo et art contemporain. Oui, merci, je n'avais plus le planning en tête. Et donc, à bientôt, Fibre Tigre, À je bientôt. l'espère. On se croisera sûrement du coup au Stunfest. Et en attendant, merci à tous et n'oubliez pas de jouer.